Et dans du mou, ça donne envie d'être dur. Taper dans le dur, ça rend fou, jusqu'à devenir mou. Viens, quoi qu'il arrive, le bonheur en dérive. Nous aurons faim d'une rage de vivre. S'il est vraiment des anges, il se trimballe à moto, tête de mort dans le dos, et moi, je marche à pied, des traces de pas dans le béton. Il ne faut pas se tromper de bataille, il ne faut jamais se croire de taille. C'est quand tu ris que t'emporte la mitraille. C'est une flamme que tu voulais ranimer, et c'est toute ton âme qui va s'étouffer. Donne-moi, peu à peu. Donne-moi tout ce que tu peux. Donne-moi comment tu fais pour tout donner sans rien attendre. Donne-moi, même si je ne peux tout prendre, je feindrai de tout casser. Je n'aurai de cesse que de réclamer tes mille caresses et tes baisers. Donne-moi ton cœur, que je le pose là comme une fleur. Pour mon repas, que je me repaisse de toi, pas à pas.